une vraie calamité, décembre vient de se montrer. C'est la triste fatalité, le temps des fêtes va arriver. Et quand je pense au réveillon, c'est comme si j'avais les oreillons. Horreur, j'entends dingue dans ses matins, j'ouvre à reculons. Elle va passer la soirée à distribuer ses bouquets. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, ma tante, pitié cette année. Je veux pas de bec mouillé. Je veux pas de bec mouillé. Oh mes amours, venez ici que je vous embrasse. Et toi, sauve-toi pour te couper ton bec encore. C'est pas le ragoût de pâte de cochon qui me tombe sur les rognons. C'est cette attaque de postillon aussi pire qu'une inondation. Elle va passer la soirée à distribuer ses bouquets. Oh, s'il te plaît, pitié, ma tante, cette année. Je veux pas de mec mouillé.